Le cœur au pommier, par Lucie de la rue Mardrus. Perdu dans le creux des campagnes profondes, autour de son église, pas plus grande qu'une chapelle, un petit cimetière normand. À l'ombre et au soleil, il s'épanouissait depuis le XIVe siècle, à la manière de l'herbage délaissé qui s'est mis en fleur de lui-même, et les quelques tombes soignées qui, çà et là, allongeaient leurs pierres exactes et dressaient bien droit leurs croix, paraissaient beaucoup moins belles dans leur correctitude que les sépultures des morts oubliés. Couronnes de verre, buis taillés, bouquets symétriques, dans des vases de porcelaine, ne vaudront jamais le luxe décoratif que la nature peut imaginer quand on laisse faire sa fantaisie. Vous voyez la marée de verdure qui a pu déferler sur cet abandon. De la vigne vierge et des lierres enlacés, tordus ensemble, rampent, s'élèvent et retombent sans se quitter, mêlé d'un grêle poids de senteurs anciennement semés, qui tout seul reproduit ici chaque année ses petits papillons violets. Un if, grandi jusqu'au gigantesque, semble le frère du clocher. Des rosiers ensauvagés balancent sous la brise d'une fusée d'églantine. Des ombelles hautes comme des personnes émergent d'une herbe épaisse chargée de boutons d'or, de pâquerettes et de menthe. Par endroits, matelassés de mousse et de lichen, des croix de bois plantées tout de travers, des gris fossés, des pierres fendues, et tout au milieu d'une telle extravagance végétale et funèbre, un pommier. Fort et noueux, il règne largement sur les défunts. Ses bras torses s'étendent pour bénir, traînent jusqu'à terre dans les boutons d'or. Il ne connaît ni le sécateur du printemps, ni les coups de gueule de l'automne. Sur ses branches respectées, il porte tour à tour les quatre saisons, sans que nul ne vienne déranger dans l'accomplissement de sa monotone destinée. Les pommes de septembre, qui le font fléchir, restent aussi intactes entre ses feuilles que les fleurs roses du mois d'avril. Car, à quel passant viendrait jamais l'idée de porter la main sur le bien des morts? Aussi, chaque année, tranquille, au hasard du vent qui passe, le pommier laisse choir autour de lui ses fruits tout rouges de maturité, et les restes humains, qui reposent profondément sous l'herbe, avec une croix à demi chavirée qui leur sort de la tête, doivent encore tressaillir, semble-t-il, sous le choc de la pomme normande, quand elle vient ainsi, de temps à autre, heurter la porte de leur néant. Maurice, fils du maître d'école, aimait à fréquenter ce jardin final, riche de silence et de soleil, dans lequel on ne rencontrait jamais personne, bien qu'il fût si plein de monde. Cet enfant se montrait doux, réfléchi, cultivé de naissance. N'était-il pas venu au monde au milieu des livres, de l'encre et des plumes? Il se savait destiné comme son père au métier d'instituteur, et quoique ses 14 ans fussent aussi frais sur ses joues que les églantines du rosier sauvage, il envisageait de bonne heure la vie d'une manière particulière, connaissait déjà le rêve et la méditation. Son gentil visage aux yeux bleus apparaissait donc chaque jour parmi le libre désordre du cimetière. Il lui plaisait s'y promener à pas lents. Il y apprenait volontiers ses leçons. Souvent même, il s'asseyait sur les vieilles marches de l'église, rien que pour regarder la couleur des heures changer dans les branches du pommier. En somme, cet endroit n'était pour lui qu'un petit clos plus charmant que les autres. Il en chérissait, sans qu'il s'en rendît compte, l'originalité. Mais aucune idée superstitieuse n'y tourmentait son imagination. Au soir tombant, quand la journée d'arrière-saison se meurt, sanglante, entre les branches noires, il écoutait sans frisson les corbeaux qui, parfois, dans le ciel, tout au-dessus du petit cimetière, croassaient d'informes dies irae. Il n'avait pas peur des morts. Le père Bouet ou la mère Quesnel, ou les autres braves trépassés qui peuplaient ce coin de la terre, ne pouvaient vraiment pas faire de dangereux fantômes. Ne dormaient-ils pas bien paisiblement ces paysans allongés sous l'herbe, après avoir vaillamment vécu, cultivés de toutes leurs forces, comme les ancêtres, leur Normandie natale? Un soir de septembre vint pourtant où l'enfant connut pour la première fois le frisson de l'invisible. Moitié par distraction, moitié par gourmandise, il avait allongé la main entre deux croix pour cueillir une pomme et mordre dedans. Et tout à coup, il s'arrêta dans son geste, les yeux arrondis par une pensée terrible. Ces pommes, que nul n'osait toucher, n'étaient-elles pas un peu des morts parmi lesquels le pommier plongeait ses racines? 1000 chimères tourmentèrent en un instant l'esprit du petit garçon. « Oui, conclut enfin sa pensée. Ces pommes ne peuvent être autre chose que les cœurs rouges des morts qui reviennent sous une autre forme, se chauffer encore au soleil. Alors, baissant la tête, le regard fuyant, il s'en alla du cimetière sans se retourner, rentra chez lui les dents serrées. Il ne dit son secret à personne, se coucha de bonne heure et dormit mal. Le lendemain, sans trop savoir pourquoi, évitant d'entrer dans le cimetière, il alla se promener seul, selon sa coutume, d'un autre côté du paysage environnant. Or, comme il s'était aventuré, songeur, dans un chemin creux qu'il ne connaissait pas, il rencontra, debout dans l'ombre verte des branches, où le soleil pleuvait à grosses gouttes, cet être insolite et charmant, une jeune demoiselle. Un voile de couleur tendre flottait autour de son étroite et luxueuse personne, à la façon d'une paire d'ailes légères. Ses beaux cheveux clairs étincelaient sous son chapeau, et ses yeux étaient si grands, si sombres, si extraordinaires, qu'on ne songeait plus à regarder le reste de la petite figure. Peut-être avait-elle 17 ans. Elle examina Maurice en passant, d'un air de bienveillance, comme si elle trouvait joli ce petit paysan proprement vêtu. Lui, interdit, la poitrine tout à coup serrée, se reculait du côté du haut bord, avec l'envie de l'escalader pour s'enfuir. Que se passait-il donc en lui? La jeune fille était déjà loin, qu'il demeurait encore à sa place, tout palpitant d'émotion. En vérité, c'était la première fois qu'il voyait une créature de cette sorte, aussi merveilleuse et troublante. Il avait bien entendu parler de la race des dames, et regardait des gravures qui les représentaient. Mais il n'en avait pas encore croisé de réel. Son village était trop éloigné des villes où fréquentent les Parisiens. Le soir de cette rencontre, il se sentit tout changé. Son aventure chez les morts s'annulait presque dans sa mémoire, tant la vision de la jeune fille passante y demeurait vivace. Et comme il persistait à garder ses secrets pour lui, il tomba les jours suivants dans la mélancolie. « Qu'est-ce que tu as ?» lui répétaient ses sœurs, et son père et sa mère disaient entre eux. « Maurice a un drôle de caractère. Il se fera certainement curé. » Un matin, n'y tenant plus, il décida de retourner vers le chemin creux. Une servante qui passait, à l'entrée ses bêtes, le renseigna sur la demoiselle. Elle vivait dans la ferme, seule avec son vieux père, depuis quelque temps. Ils y avaient loué 3 chambres, pour jusqu'à la fin de la saison, époque à laquelle il retournerait à Paris. Dès lors, Maurice, chaque jour, flâna irrésistiblement du côté de cette ferme. Il ne savait pas ce qu'il voulait. L'âme de l'éternel chérubin commençait d'inquiéter ses 14 ans rustiques. Et tandis que l'enfant, en lui, songeait encore à l'apparition de quelques fées, marraines de peau d'âne, illuminant la métairie, l'homme rôdait déjà, comme un jeune animal, autour des murs où se cachait la femme. Se sentant inexplicable, il avait envie de pleurer tout seul, couché dans l'herbe. Pour la première fois, son cœur adolescent s'abîmait dans le bonheur et le malheur du désir. Il ne revit la jeune fille que la semaine suivante, alors qu'il errait à sa recherche. Et d'abord qu'elle parut à la barrière de la ferme, il s'enfuit à toutes jambes comme à l'approche d'un ennemi. Puis, rentré chez son père, il sanglota jusqu'au matin du regret de ne l'avoir pas regardée. Nuit mal dormie, course fiévreuse, guet pantelant dans les buissons pour la voir sans être vue. L'histoire de la pomme funéraire était définitivement oubliée. Il ne pouvait plus réfléchir qu'à la minceur d'une taille enfermée dans une robe de Paris, qu'à de petits pieds précieusement chaussés, qu'à la couleur des diverses ombrelles sous lesquelles, chaque jour, s'abritait la tête ineffable, qu'au parfum qui demeurait parfois si longtemps derrière la demoiselle, comme accroché aux épines du buisson. Désir, désir incompréhensible. Je ne suis que le fils de l'instituteur, un pauvre petit garçon dans l'immense campagne. Je sais bien que cette jeune fille venue du fond d'un pays qui n'est pas le mien, du fond d'une caste qui n'est pas la mienne, n'a rien à voir avec ma destinée villageoise. Et cependant, parce qu'elle a passé dans le chemin, voici que je porte dans ma frêle poitrine toute l'angoisse de l'univers. Quelle est donc cette énigme animale et divine, ce souffle qui, poussant les bêtes l'une vers l'autre du fond des distances, faisant mugir les taureaux nocturnes, dilatant les yeux fous des châteaux flancs creux, gonflant le cou zinzolin des pigeons, arrache aussi d'inconnus et magnifiques sanglots à la gorge rauque des enfants poètes. Un après-midi, il eut une surprise pour Maurice. La demoiselle, sortant seule de la ferme, se dirigeait vers le village. Lui avait-on parlé du curieux petit cimetière autour de son église caduque? Elle marchait doucement, sous son ombrelle, sans se douter qu'elle était suivie de loin, surveillée par deux jolies prunelles bleues que l'amour enflammait comme les yeux des loups. Elle traversa le village désert, regarda à droite, à gauche, hésita. Puis, d'un pas soudain assuré, elle entra dans le cimetière. Le garçon derrière elle s'arrêta contre la grille. Allait-il entrer à son tour, s'approcher de sa petite passion, lui parler enfin? Il n'était que temps de lui apprendre qu'un enfant souffrait pour elle, nuit et jour, au fond de cette Normandie qu'elle paraissait aimer. Il n'était que temps de la voir de tout près, d'entendre sa voix, de respirer l'odeur de ses vêtements légers. Il n'était que temps de la supplier pour qu'elle restât dans le pays, ou tout au moins y revint tous les ans avec les fleurs de la belle saison. Les mains contre sa poitrine qui battait trop fort, il ramassait tout son courage pour oser faire quelques pas en avant. La jeune fille, insouciante et claire, regardait autour d'elle d'un air ravi, cherchait à lire des noms sur les croix, contournait les bosses d'herbes et de lianes qui marquaient l'ancienne place des tombes. Et tout à coup, pétrifié, le garçon s'arrêta dans le mouvement qu'il commençait. Elle venait de saisir une des branches basses du pommier et gaiement, comme s'il eût joué dans un simple herbage, secouait cette branche de toutes ses forces. Les pommes se mirent à tomber de tous côtés et à rebondir comme des balles. Maurice retint un cri. Il s'avançait déjà pour la prévenir que ces pommes représentaient les cœurs rouges des morts et qu'il était impie et dangereux d'y toucher. Mais elle paraissait si joyeuse, si amusée de son jeu, qu'il fut pris d'une sorte de honte plus forte que sa terreur. La gorge serrée, les bras retombés, il resta là, immobile, à la regarder. Quel ravage dans ces pommes, quel ravage dans ses cœurs. Ici elle mordait, là elle cueillait. Ses petites bottines précieuses piétinaient. La marque de ses belles dents, un taille cruel, demeurait dans le fruit meurtri, aussitôt rejeté dans l'herbe. Ce fut en quelques instants une jonchée autour d'elle. Puis, sans se retourner, sans voir l'enfant qui la contemplait, elle sortit par la petite porte du fond, retournant vers l'inconnu d'où elle venait, vers son père, vers Paris, vers la vie qui l'attendait. Et, regardant sous les branches saccagées les restes du sacrilège accompli, l'enfant comprenait peut-être que son cœur à lui n'était au fond qu'une de ses pommes à jamais blessée. Il comprenait qu'il valait mieux ne pas s'indigner, ne pas s'étonner, ne pas parler, puisque les cœurs des morts, sans doute, étaient aussi malheureux et heureux que le sien, d'avoir été, malgré le néant éternel, mordu profondément par les dents jeunes, inconscientes et fatales de l'amour. C'était « Le cœur au pommier » par Lucie de la rue Mardrus.